Lettre 93e, Théophanie à Junia Marcella, Lauriacum, juin 304. Je viens de passer des jours bien tristes, ma chère Junia. Depuis que j'ai quitté Noricum, il ne s'est pas écoulé une seule semaine sans que j'aie été témoin ou de la cruauté de nos persécuteurs ou de la faiblesse et de l'égoïsme de l'âge apostat dont l'abominable conduite blessait profondément notre cœur. Il était déchiré aussi des tourments que souffraient ceux qui restaient fidèles. Ainsi, de toute manière, nous avons vécu dans la douleur. Et le plus triste événement vient de nous frapper encore. Florianus, l'ami de Constantin, le vertueux amant de ma pauvre Valérie, est mort victime de la haine. Il a été pour ses frères l'exemple le plus sublime, et pour la plus sensible des femmes un sujet de larmes éternelles. La copie d'une lettre d'Agathoclès à Constantin qu'il m'a permis de faire pour toi te mettra au fait de tout ce qui regarde celui que nous pleurons. Mais il faut que je te parle de son amie, devenue à présent la mienne et dont la triste situation m'occupe uniquement. Elle n'apprit l'arrivée de son amie que par la nouvelle de son arrestation. Son premier mouvement fut pour le bonheur de le sentir près d'elle. Après 3 années passées dans les regrets les plus amers, la Providence les réunissait dans le même lieu. Sûre de son innocence, ne lui connaissant aucun ennemi, elle n'éprouva d'abord nulle crainte. Elle crut ne trouver aucune difficulté de pénétrer jusqu'à lui, et ce bienfait, pour lequel elle aurait sacrifié le reste de son existence, lui parut le plus grand que le ciel lui pût accorder. Je la vis heureuse pendant quelques instants. Ils furent courts et chèrement payés. Elle apprit bientôt que le préfet avait donné les ordres les plus sévères, pour que personne ne pût parler aux prisonniers. Il m'est impossible de te décrire l'état où fut alors Valérie. J'ai craint que sa vie ou sa raison ne succombasse à tout ce qu'elle éprouvait. Amour brûlant, vénération exaltée, désir ardent, crainte mortelle, et la conviction enfin d'une éternelle séparation agitaient tour à tour son cœur. Toute cette activité, toutes ces démarches pour rendre la liberté à son ami furent inutiles. Elle ne parvint ni à gagner les gardiens, ni à tromper le préfet, et ne put même obtenir la permission de le voir en présence de témoins. Alors un calme sombre remplaça sa vivacité, on voyait qu'elle méditait un projet. Dieu sait où cette jeune personne, si douce, si timide, prit le courage, ou pour mieux dire, la témérité de l'exécuter. Quoi qu'il en soit, elle entre un soir dans ma chambre, pâle, défigurée, fondant en larmes, et regardant de tous côtés pour s'assurer que nous étions seuls. Elle se jeta dans mes bras et me dit en poussant un cri douloureux, « Je l'ai vu, je lui ai parlé. Ah, Théophanie, laisse-moi mourir, car lui aussi doit mourir. » Je la calmai par les plus tendres caresses. Elle put me raconter ce qu'elle avait osé pour se faire ouvrir les portes de la prison. « Oh, Junia, représente-toi cette faible et tendre Valérie, telle que je te l'ai dépeinte. » Déguisée en homme, un poignard dans une main, une bourse pleine d'or dans l'autre, elle pénètre, au risque de sa vie, chez un des geôliers. « Choisis, » lui dit-elle en lui mettant la pointe du poignard sur la poitrine, « tu meurs à l'instant si tu me refuses de me laisser voir Florianus, et peu m'importe de te suivre au tombeau. Tout cet or est à toi si tu consens. » Un courage si extraordinaire brillait dans ses yeux, animait son action, qu'elle en imposa à cet homme. Il détourna le poignard, prit la bourse et la conduisit à la prison en lui donnant 2 heures pour y rester. Dieu, quel moment après 3 ans et dans de telles circonstances! Elle était près du désespoir, mais l'esprit de Florianus la fortifia, la soutint, lui redonna des espérances pour une autre vie, si elles étaient perdues pour celle-ci. Si près de sa fin, il se crut permis de laisser encore une fois parler son cœur, de jouir encore une fois de la tendresse incomparable de sa jeune amie. Il lui répéta pour la dernière fois ce qu'il s'était interdit pendant 3 heures de prononcer, son amour sans borne, son malheur de l'avoir perdu, ses vœux ardents pour la revoir encore et son bonheur qu'ils fussent exaucés, même dans un tel moment. Il lui fit jurer sur la Sainte Croix de ne pas attenter à sa propre vie et d'attendre pour le rejoindre dans les demeures célestes le moment marqué par la bonté de Dieu. Il lui confia les secrets dont il était chargé. Pendant le peu d'instants qu'il leur fut permis de rester ensemble, ils vidèrent jusqu'à la dernière goutte la coupe du malheur et celle aussi de la félicité, car ils s'étaient revus, et Valérie sentit ce triste bonheur dans toute sa plénitude. Le geôlier vint la reprendre. Florianus n'était pas sans crainte que cet homme barbare ne la sacrifiât à sa sûreté, car il y allait de sa vie si Aquilanus avait su qu'il avait introduit quelqu'un auprès du prisonnier. Une somme double de la première lui fut promise si le jeune homme rentrait chez nous. Et Florianus estima assez Agathoclès pour le charger de le payer. Enfin, elle s'arracha de ses bras, avec la persuasion de ne jamais le revoir, et ce fut dans cette disposition qu'elle arriva chez moi. Jamais je n'oublierai l'impression que j'ai ressentie de son récit. Un sentiment d'horreur s'empara de moi à l'idée que je pourrais être dans une telle situation, disant à mon Agathoclès le dernier adieu. Cette pensée s'empara de moi avec une telle force qu'elle ne m'a plus quitté depuis lors. De temps en temps, un frisson affreux me saisit. Je crois voir mon bien-aimé enchaîné, conduit au supplice, une sueur glacée couvre mon front, et je me sens prête à défaillir. Sans avoir le plus léger motif de crainte, mon imagination est frappée, et ces images terribles me suivent jusque dans mon sommeil. Mes rêves, jadis si doux, et qui doublaient mon bonheur, ne sont plus qu'un tissu de malheurs les plus effrayants. Oh, ma Junia, pourvu que ce ne soit pas des pressentiments, je n'ose en parler à Agathoclès. Il n'y verrait que les visions d'une faible femme, mais je t'assure que j'ai plus d'une raison d'être en peine de l'avenir. La mort héroïque de Florianus, ses dernières exhortations aux chrétiens, l'effet merveilleux que l'on remarque déjà dans la conduite de nos frères, leur mépris pour cette vie, tout cela réuni a jeté une étincelle dans l'âme d'Agathoclès, dont l'effet peut être terrible, et déjà plus d'une fois son admiration pour Florianus m'a paru tout près du désir de mourir comme lui. Le jour de sa mort, je l'ai vu pour la première et pour la dernière fois. Le cortège passa devant notre maison avec une grande solennité. Il marchait à côté du préfet, sans être enchaîné et décoré des marques de sa dignité. Dans la maturité de l'âge, mais plein de force et de vigueur, sa figure était belle, imposante et noble. Ses yeux brillaient du sentiment de sa propre valeur. Il les portait tantôt sur la foule qui les accompagnait, tantôt sur ceux qui étaient autour de lui, avec qui il paraissait s'entretenir de choses indifférentes. Une couple de fois, je le vis élever son regard vers le ciel, et à l'instant même, il prenait une expression divine qui me persuada qu'il se regardait déjà comme un de ses habitants et qu'il allait sacrifier sa vie à sa conviction, et je ne me trompais pas. Mais je compris à merveille en le voyant que, malgré son âge, il eût inspiré une aussi forte passion dans un cœur tel que celui de Valérie. Peu de temps après, Agathoclès, témoin de cet affreux et cependant beau spectacle, rentra et m'apprit qu'il venait de périr dans les flots de l'Anasus. Je voulus courir auprès de la malheureuse Valérie et je ne pus la trouver. Dès que le préfet fut rentré dans son palais, elle y alla et son or obtint ce qu'il refusait à ses supplications, la permission de chercher le reste de son ami dans l'Anasus et de lui rendre les honneurs de la sépulture. La rivière, considérablement accrue par les pluies, s'était élevée à une très grande hauteur, entraînant tout ce qui se trouvait sur son passage. Aucun batelier ne voulait se risquer sur ces eaux en tourmente. Mais tout n'est-il pas possible à l'amour et à l'or? La promesse d'une grande récompense lui procura deux hommes. Elle entra elle-même dans la nacelle. Ils forcèrent les ondes écumantes et trouvèrent bientôt près du pont le corps de Florianus accroché par ses vêtements à des broussailles. Lorsque les hommes le déposèrent dans le bateau au pied de Valérie, elle ne versa pas une larme, aucun soupir même ne vint soulager ce cœur oppressé et serré par une douleur si violente. Elle le fit déposer chez ses parents et resta deux jours à côté de lui dans le même état d'une espèce de stupeur, jusqu'au moment où quelques chrétiens vinrent rendre les derniers devoirs aux saints martyrs de notre religion. Depuis l'entrevue qu'elle eut avec lui, Valérie, d'après les ordres de son ami, avait cherché et trouvé un site convenable à cet effet. Non loin de l'Oréacum s'élèvent différentes collines ombragées par des bois taillis. Derrière une de ces hauteurs, elle avait découvert une vallée tranquille où serpentait une source d'eau limpide et pure, comme la vie du défunt. C'était là qu'elle avait résolu de l'enterrer secrètement. Cette source précieuse dans une contrée où il y en a peu la décida au choix de ce lieu. Elle voulut qu'il pût encore répandre sa bénédiction, même après des siècles, sur ceux qui viendraient le visiter au lieu de son repos, et que le pèlerin qui viendrait prier sur sa tombe pût se désaltérer et se rafraîchir. Elle accompagna les restes de son ami dans ce lieu solitaire, les chrétiens qui l'accompagnaient, du nombre desquels était Agathoclès, le rendirent à la terre en l'arrosant de leurs larmes. Lorsque la cérémonie fut achevée et qu'une simple croix plantée sur le tombeau eut indiqué la place où reposait son bien-aimé, Valérie sortit de l'état d'exaltation où elle était depuis sa mort et tout son courage l'abandonna. Elle jeta des cris de désespoir et tomba enfin évanouie sur la tombe. Les soins que l'on prit pour la ranimer furent sans effet. On la rapporta à l'Oreacum dans cet état d'insensibilité. Elle revint à elle, mais avec une fièvre ardente accompagnée de délire. Une maladie qui nous fit croire à tous que bientôt elle serait réunie à son amie plongèrent ses parents et ses amis dans une profonde affliction. Peu à peu, cependant, la jeunesse fut la plus forte et dissipa cet orage. Elle fut rendue à la vie. Sa santé se remet, mais son cœur ne guérira jamais, et je l'ai massée pour la plaindre de vivre encore. Elle est beaucoup avec nous. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour adoucir ses peines. Mais que peut l'amitié sur un tel chagrin et sur une personne telle que Valérie? Je suis persuadé, Junia, que survivre à ce qu'on aime uniquement est la plus affreuse peine que l'âme humaine puisse éprouver. J'en fus bien près moi-même lors de la blessure d'Agathoclès, et je crus, ou plutôt j'espérais bien n'y pas survivre. Prie Dieu que j'en sois désormais à l'abri et que j'expire avant lui. Il a plus de force que moi pour supporter un tel malheur. Mais que fais-je? Il n'est pas bon de se laisser abattre par des craintes imaginaires pour l'avenir, tandis que les maux présents exigent tout notre courage pour soutenir nos frères malheureux et persécutés. Puisse la paix reposer sur ma Junia.